Alors on va tenter le coup, j'espère que ça va aller. Je n'ai pas tous les fils que j'aurais voulu avoir, notamment pour avoir un retour, donc je m'entends assez faiblement. J'espère que pour vous ça se passera bien et que vous m'entendrez correctement. Je suis Thierry Gallet, j'enregistre depuis la maison puisque nous sommes en confinement et je vais tenter de vous faire en direct, mais enregistré pour vous, la saga des Fab Four numéro 446, l'album de la semaine. C'est l'album A Hard Day's Night, sorti en 1964. On écoutera A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, and I Love Her, forcément, Tell Me Why et Can't Buy Me Love. Il y aura également du Paul McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ah oui, j'avais prévu ça puis j'ai oublié de vous le dire, tous les ex-Beatles seront en live. Oui, c'était une décision pour cette saga numéro 446. Donc, en live, Paul McCartney, I'll Follow the Sun, tiré de l'album Amoeba Gig de 2007. Un album live, donc forcément. Pour John Lennon, ce sera Money, That's What I Want, sur Live Peace in Toronto, en 69. Quant à George Harrison, il nous chantera Isn't It a Pity, sur Live in Japan, en 92. Lorsqu'on arrivera à Ringo Starr, ce sera Honey Don't, en live, pour le concert For George en 2003. Les Beatles, donc, ce sera A Hard Day's Night d'abord et I Should Have Known Better. Pour le reste, eh bien, vous verrez bien, il y aura également une cover, évidemment. Et bah, j'espère que tout va bien se passer. Je mettrai ça en ligne pour ce mercredi 18 mars. Et vous pourrez également l'écouter un autre jour, n'importe quand, on verra bien. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook, et là j'y serai, je pense, le groupe Facebook dans la saga des Fab Four, et on commentera tout ça, j'espère que vous démarrerez en même temps à 20h, c'est une grande première, on va tester ça. Voilà, bref, première chanson, ça démarre dans quelques secondes, c'est A Hard Day's Night, et c'est vraiment A Hard Day's Night, puisque j'enregistre ça à la maison le soir, et c'est pas évident, c'est parti. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. When I'm home, riff de départ le plus connu du monde musical, le tang. Tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est A Hard Day's Night, 1964. Il était assez courant, au début des années 60, de voir des musiciens tenter leur chance au cinéma dès que leur popularité avait été établie par une série de hits, tout comme Elvis Presley l'avait fait dans les années 50, par exemple. Les films The Young Ones en 61, Summer Holiday en 62, tous deux avec Cliff Richard, avaient été de gros succès au box-office, et des artistes moins connus comme Eden Faith, Tommy Steele, Billy Fury et Terry Dean avaient tenté leur chance sur le grand écran. Les Beatles voulaient faire quelque chose de différent et eurent la chance de rencontrer le metteur en scène Dick Lester, dont les techniques de caméra et de montage s'accordaient tout à fait au rythme et à la nouveauté de la musique pop. Les négociations concernant le film avaient débuté en octobre 63. En novembre, le scénariste Alan Owen, lui-même né à Liverpool et qui avait parfaitement saisi le phrasé des Beatles, accompagna le groupe à Dublin et à Belfast pour observer le travail des quatre musiciens et saisir ce qu'était la Beatlemania. Sans avoir lu le scénario, les Beatles durent composer 7 chansons pour le film. Les deux premières furent écrites à Paris en janvier 64. 4 furent composées à Miami le mois suivant, en une seule séance de 4 heures, et la chanson éponyme fut écrite à Londres. Toutes les chansons, excepté Hard Day's Night, furent composées indépendamment du scénario, raconte Alan Owen. Paul et John les écrivaient, et elles étaient intégrées à l'histoire au fur et à mesure de leur livraison. Aucune d'entre elles n'a le moindre rapport avec l'action du film, ce sont juste des chansons. Le film n'avait pas de titre parce que les Beatles avaient refusé On the Move, Let's Go et Beatlemania. Hard Day's Night fut la dernière chanson composée et son titre fut finalement adopté pour l'album et pour le film. Cette phrase fut attribuée à Ringo Starr qui raconta en 64 « C'est après une journée de travail particulièrement difficile qui s'était prolongée tard dans la nuit. Quand je suis sorti en pensant qu'il faisait encore jour, je me suis exclamé « Quelle dure journée ! It's been a hard day !» Puis j'ai regardé autour de moi et je me suis repris en disant qu'il faisait nuit. « Znight ». Le jeu de mots repose sur l'apostrophe « s » qui peut être l'abréviation de « it » ou « is » ou d'un possessif. Ça a été une dure journée. Il fait nuit. Voilà ce qu'on peut dire. En fait, Ringo, c'est lui qui a inventé cette formule-là, mais il a dû le faire en 63 et non pas sur le tournage de « Hard Day's Night », comme on l'a longtemps logiquement supposé, parce que John l'a reprise dans son livre « In His Own Right » qui a été écrit en 1963. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et maintenant, voici du live. I'll Follow the Sun en 2007. Paul McCartney. J'allais dire sur RG, mais oui, en temps normal, c'est sur RG. Everybody say tomorrow be rain, so I'm gonna follow the sun. En 1969, John Lennon, qui en avait déjà marre des Beatles, était parti en solo avec Eric Clapton quand même et d'autres copains faire un petit tour du côté de Toronto. On l'avait invité pour un festival pour la paix. Alors évidemment, c'était son truc à John Lennon. Et il a joué quelques morceaux, dont celui-ci, That's What I Want, Money, That's What I Want. Et c'est absolument superbe, c'est très très bien joué. Un autre morceau qui est absolument superbe et qui est fait avec Eric Clapton encore, mais des années plus tard, en 1992 au Japon, puisque Eric a demandé à George Harrison de sortir un petit peu de son patelin, de son manoir, et de se forcer à faire une tournée. Il a utilisé les musiciens de son groupe à lui, Eric Clapton, et ça donne un dernier live, c'est le dernier qu'on ait de George Harrison. Mais quelle beauté! L'album s'appelle tout simplement Live in Japan, et le morceau que je vous propose, c'est Isn't It a Pity, sur RIG. Allez, disons-le. Thank you. when things take so long. Thank you. ready. Let's do it. Andy Fellow. Well, how grow you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Everything about you is a doggone sweet. You got that sand all over your feet, but honey, don't. Saturday night, Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town. Baby, been stepping around. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Dans ses œuvres. Thank you, thank you, thank you. Merci. C'est une émission enregistrée que je vous propose, la saga des Fab Four numéro 445 ou 6, 446, qui aurait dû être sur les ondes de la radio RIG et qui, en raison du confinement, eh bien, pour l'instant, je l'enregistre à la maison. Je vous la proposerai le jour même et vous pourrez la réécouter quand vous voulez, de toute façon, puisque c'est le principe des podcasts. Je ne pense pas faire ça très longtemps, mais après tout, si c'est le confinement, on a peut-être une petite excuse, non ? Vous ne trouvez pas ? Allez, autant vous parler de ce qui est en principe, lorsque les concerts ne sont pas arrêtés, lorsque vous voulez savoir quelque chose sur les Beatles, il vous faut tout savoir sur le site de Lovely Rita, c'est Beatles Magazine. Écoutez qui est Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com, vous y retrouverez toutes les infos. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Everything that you do, and I do. De l'album Hard Day's Night, sorti en 1964. Cette chanson, I Should Have Known Better, est la première chanson du film, après le générique, et la deuxième chanson de l'album. Elle est jouée durant la scène où les Beatles et le « grand-père » entre guillemets de Paul, que joue Wilfrid Bramble, se trouvent dans un train exilé dans le wagon postal. Ils commencent à jouer aux cartes, puis, après quelques séquences, réapparaissent avec guitare, harmonica et batterie. De nombreuses séquences du film furent effectivement tournées dans les trains, mais celle-ci fut filmée dans les studios de Twickenham. « I Should Have Known Better » est une chanson étonnamment optimiste pour un titre composé par John. Il l'aime, elle l'aime, et tout va bien. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à ça d'habitude. Voilà, c'était pour l'album de la semaine qu'on retrouvera dans 5 chansons pour l'instant. Revenons aux Beatles, mais en 1969, avec « Oh, Darling ». Oh, darling. Believe me when I tell you, I'll Let's go. J'aime bien la fin. Je ne veux pas dire que j'aime pas la version finale de 8 Days a Week, mais celle-ci, qui est une version de travail, est drôlement bien, j'aime bien. Vous l'avez sur les anthologies des Beatles, et particulièrement sur l'anthologie Highlight, donc le meilleur, le concentré, les meilleures chansons bien faites des anthologies, sur anthologie Highlight, qui est sortie en 2010. Je vous ai dit, les post-Beatles en live. Dance Tonight, Paul McCartney. Everybody gonna dance around tonight.

If I Fell est l'une des plus belles chansons de John et l'une des plus révélatrices. Elle parle d'une relation extra-conjugale. Il demande à sa maîtresse de lui garantir que s'il quitte sa femme pour elle, elle l'aimera plus qu'il ne l'a jamais été. C'est l'histoire de quelqu'un qui refuse toute confrontation. Il sait que sa femme souffrira s'il la quitte et il ne l'acceptera de le faire que si sa maîtresse s'engage envers lui. John racontera plus tard que cette chanson était semi-autobiographique et on sait qu'il n'était pas fidèle à sa femme Cynthia, laquelle à l'époque ne se doutait de rien, la pauvre. Bien sûr que je suis un lâche, expliqua-t-il en 68 alors qu'un journaliste lui parlait de son premier mariage. Je n'avais pas le courage de quitter Cynthia et de vivre seul. John disait de If I Fell qu'elle était sa première ballade réussie et qu'elle annonçait In My Life qui serait construite sur les mêmes accords. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson qu'on écoute maintenant dans la saga des Fab Four. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. Fab Four, c'est sur RIG. Okay, well, like, I have to come on now and, like, cool it down a bit, you know what I mean? It's like my job, oh yeah. Now you get on the ring and cool it down. Little country number four you called, Act Naturally. Start out of me. Make a film about a man that's sad and lonely. All I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. I win an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. All I gotta do is act naturally. All right, Billy. Make a film about a man that's sad and lonely, banging down upon his bended knee. I'll play the part, but I won't need rehearsing. All I gotta do is act now. big time. All I gotta do is act naturally. All I gotta do is act naturally. All I gotta do is act naturally. Thank you. Rien à dire, ça lui va bien, Ringo Starr, ce son cowboy, ça lui va très très bien. Il se foule pas pour les titres de ses albums. L'album s'appelle Live 2006, sauf que il est sorti en 2008, cet album-là. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je vous propose de retrouver Paul McCartney en 1989. Ça a été enregistré le 27 octobre 1989 et c'est sorti seulement sur un CD single, le CD single All My Trials, et c'est le titre du morceau en live, bien entendu. Suivront deux vieux Beatles, mais vraiment vieux, sur les anthologies. What you do to me, I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. Through it. I suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? I wish I knew, wish I knew how you do it to me, but I have no clue. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. Wish I knew how you do it to me, I do it to you. The Fabulous Four Saga, right here, on your radio with the Regale. C'est vieux. C'est le premier titre officiellement enregistré par les Beatles, enfin les trois quarts des Beatles. Il y avait John, Paul, George, mais pas encore Ringo. C'était aux alentours de 1958 et ça s'appelle In Spite of All the Danger. Voilà ce qu'on pouvait dire. Auparavant, How Do You Do It, ça a été entre-temps, en son temps, je voulais dire, prévu pour être leur premier 45 tours. Et puis finalement, non, l'idée a été abandonnée, peut-être pour mieux. Je ne sais pas, en tout cas, moi j'aime bien How Do You Do It, voilà. On revient à l'album de la semaine, et le grand hit de cet album-là, avec Paul McCartney, And I Love Her, sur R.I.G. dans la saga des Fab Four. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.

le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. La preuve par l'image, en théorie, on dit. Et là, c'est la preuve par le son. McCartney sait faire des ballades, An I Lover, et des rocks où il s'époumonne, et la voix tient aussi bien avec cette reprise donc de Little Richard. Et cette chanson donc qui s'appelle Long Tall Sally. Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire sur Long Tall Sally de Little Richard, c'est que c'est sorti sur l'album Here's Little Richard, sorti en 1957. Allez, un petit cadeau, parce que la période le demande. Nous sommes en retrait chez nous, donc en confinement, d'ailleurs, c'est le mot. Donc je vous offre ça. Break. falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Il en aura fait des phrases surprenantes et intrigantes, John Lennon, Jai Guru Dave A. Et puis un peu plus tard, il y aura aussi Abawakawa, poussez, poussez. Allez comprendre. Bien, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est A Hard Day's Night. Et ce titre, Tell Me Why, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Done. Tell Me Why fut composé afin de fournir un morceau rapide à la scène de concert du film A Hard Day's Night. John se demanda ce que les Chiffons ou les Shirelles pourraient bien jouer et il pondit cette chanson. Les paroles portent la marque de John. Elle lui a menti et il l'a abandonnée. Il pleure. Il lui demande de lui expliquer ce qu'il a fait de mal pour pouvoir se corriger. Les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui les ont perdus très jeunes en retirent souvent un sentiment de culpabilité qui leur fait croire qu'ils sont responsables en partie. C'est quelque chose que j'ai dit ou j'ai fait, dis-le-moi. Et je m'excuserai, chante John dans Tell Me Why. Il a fallu attendre la thérapie primale qu'il suivit en 1970 pour que John surmonte enfin ses peurs inconscientes. Le psychothérapeute Arthur Janov lui fit analyser toutes les chansons de l'époque Beatles pour qu'il comprenne ce qu'elles révélaient de ses angoisses. Sur le premier album publié après sa thérapie, John Lennon Plastic Ono Band, les thèmes de ces chansons révèlent les mêmes traumatismes, mais ils sont cette fois explicités en toute conscience comme dans Mother, Hold On, Isolation ou My Mom Is Dead. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et on retrouve John Lennon, écoutez. Thank you. Some of you might wonder what I'm doing here with no drummers and no nothing like that. Vous pouvez vous demander pourquoi je suis là et sans batteur et sans truc comme ça. Mais il se trouve que j'ai quitté mon ancien groupe, il me semble. Et il va y avoir une formation, mais ils ne sont pas encore là. Je vais vous chanter une chanson que vous pourriez connaître, ça s'appelle Imagine. Imagine à la guitare, c'est en 1971. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all. Great. great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. I was in the greatest. Remarquez, dans les paroles, il dit « Now I'm only 52 », alors que dans les paroles originelles, il dit « Now I'm only 32 ». Donc, ça a été chanté 20 ans après. C'est sur le live de Montreux, live à Montreux, sorti en 1993. On est pile 20 ans après 73 quand il a chanté ça. Et c'est vrai que si c'était avant le mois de juillet, il avait 32 ans dans un premier cas et 52 ans dans l'autre. Voilà, maintenant il en a atteint 80 cette année. C'est totalement respectable, monsieur Ringo Starr. Continue comme ça et on espère te revoir bientôt sur les routes. On retrouve, puisque je vous ai dit que tous les albums, enfin toutes les chansons post-Beatles seront chantées en live, on retrouve George qui rend hommage à Bob Dylan pour le concert du 30e anniversaire à l'époque, bien évidemment, c'était en 1993 aussi. Il chante une chanson de Bob Dylan qui s'appelle Absolutely Sweet Mary. Là, c'est Chrissy Hynde qui présente. Hare Krishna!

qu'est-ce que j'aime cette impro. Oui, c'est une impro faite pendant les soundchecks en 2002 par Paul McCartney et ses musiciens. India sur RIG, j'adore, franchement. On laisse courir la musique parce qu'en théorie, c'est ce que je faisais lorsqu'on est à l'approche de la venue d'Eric. Donc maintenant, maintenant, il s'agit de New York City, John Lennon. Et en live, bien sûr, je vous l'ai promis. Yeah! George Harrison en 1992, aidé par son pote Eric Clapton. Il nous reste encore quelques minutes, saga des Fab Four. Je vous propose, alors qu'il fait peut-être un plein soleil chez vous, d'écouter l'inverse, Rain, les Beatles sur RIG. Je sais que je ne devrais pas dire RIG puisque c'est une émission enregistrée, mais c'est trop l'habitude, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Affection. got them. I love you more. 1965, à l'instant, c'était John Lennon et les Beatles sur l'album Rubber Soul in My Life. Là, c'est George Harrison. You don't need loving, you don't need no bedtime. You don't need no horoscope for a fight, cause you want to see the mess that you're in. You open up your heart. Your heart, you see he's right there. You always saw some will be to leave you with your girls. I chant in the name of the Lord and you'll be free. The Lord is the way that you're to awaken and see. Chant in the name of the Lord and you'll be free. The Lord. Open up your heart. See what I mean. Women can't dance alone. Or sing in a Walgreens. Oh, while the poor folks think we want the sanitary water. And the sound of the is the only thing that's calling back to quarters. But the Lord is away on your own to wait and see. By chanting the name of the Lord and you'll be free. Avant-dernière chanson de la saga des Fab Four, voici Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting. This is Acton Falls, Choose Love. De Live at Soundstage en 2007, Monsieur Ringo Starr. Et c'est ainsi que se termine cette saga des Fab Four exceptionnelle, puisqu'elle est enregistrée à la maison. C'était la saga qu'on va appeler numéro 446 C, C pour confinement. J'espère que je pourrai en faire d'autres. On verra ça pour la semaine prochaine. Donc pensez à regarder le mercredi, savoir si la saga est prête. Et je sais ceux qui le feront. Vous l'ouvrez à 20h pile chez vous et vous commentez sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Ce serait très très chouette. Merci à vous et restez bien chez vous et que cette saloperie de virus, pardon pour le gros mot, se barre très très vite dans les limbes. À très très bientôt. Ciao.